Yves, yes. Je m'adresse à toi, oui. Même si Andréane peut écouter un peu, d'ailleurs elle peut participer. Merci de me donner la permission. Oui, oui, oui, les filles. Et tous les gars qui m'écoutent, tous les hommes, je vous annonce que c'est fini. On peut plus être des gars. C'est maintenant terminé. Raconte-le-moi-le. Le règne de la société Power Femelle est vraiment rendu à son paroxysme et c'est fini. On peut plus être des gars. On va te dire pourquoi. Ok. Je vais te lire un texte. Je suis quasiment content, moi, si c'est le cas. J'ai une amie... Non, me faire envahir par les filles. J'ai une amie qui a publié sur les médias sociaux un lien vers un blog, OK, qu'une fille a écrit, mais c'est écrit avec un pseudonyme, là, OK? La fille, elle n'a pas écrit ça sur son vrai nom, là. Mais c'est un texte savoureux que je vais vous lire et que j'aime tellement, là. Sérieux, cette fille-là, je l'invite à souper, là. Quand t'as vu, là. Une autre? OK? Ben, t'as pas tant. Bon. Je pensais que mon micro était fermé. Je parlais, André. Non, fais attention, il y a du monde qui écoute. Il n'y en a rien qu'une. Non, non, mais t'es gentil. Non, c'est, je sais. C'est une généreux, à la fois. C'est ça, exact. Il fallait qu'il te renvoie le texto d'hier. Là. Ouais, je l'ai quand même un peu. Ouch. Non, on va lire ça. C'est savoureux. Mais là, moi, je pensais, quand mon amie, elle me montre ça, elle dit, regarde ce que j'ai mis sur mon Facebook, là, tout ça. Elle dit, c'est vraiment drôle. Là, moi, je lis ça. Je dis, que c'est bon. Mais là, la tempête, toi, chose. Les filles, en maudit, elle s'est faite ramasser. C'est même pas elle qui l'a écrit, elle a juste mis le lien. Elle s'est faite traiter de tous les noms, puis les gars aussi embarquent. Bref, je pense être le dernier gars, peut-être avec Yves ou je sais pas qui d'autre, qui va être d'accord avec ça. Mais là, trompez-vous pas, là. C'est de l'humour un peu. Mais chaque phrase, chaque ligne de ce que je vais vous lire, ben je suis d'accord. Quand ben même que je serai le dernier... Lis-le donc! Je vais le lire certain. On va prendre deux factures qui dit, hein, on est en 2014. N'oubliez pas que c'est une fille qui a écrit ça, mais elle, je l'aime. Le tout accompagné d'un petit coup de coude puis d'un sourire confiant de son argument béton. On est en 2014. On va prendre deux factures. Comprenez que c'est une scène de restaurant. Le gars a invité une fille. Ben oui, c'est ça. On va splitter le bill pendant qu'un vagin te pousse. Hey, ça m'est arrivé trois fois, et les trois fois, les gars m'ont rappelé le lendemain. Comme s'ils m'avaient juste demandé une gomme la veille. Oh que non. T'as coulé le test assez solidement, d'ailleurs. Ça se poursuit. Alors, vous comprenez que c'est sur la fameuse histoire, première date avec une fille, une facture ou deux factures. Les gars, si vous êtes trop cassés pour payer notre facture, allez manger chez votre mère. Vous allez même avoir des plats à rapporter puis des lunchs pour votre semaine. Maudit, j'ai bon. En tant que femme, on veut savoir qu'on est tombé sur un chef de meute. Hell papa de la tribu. On veut que notre homme soit chasseur et non cueilleur. C'est pas mal moins glorieux, ça nous protège pas des ours, des baies sauvages. Si on a froid à un moment donné, on veut être sûr de ne pas se faire dire « Hey play, ma gorge picote un peu, j'aurais peur que ça s'agrace si je te passais ma veste, souffle dans tes mains un peu, ça va réchauffer. » Parce que ça, c'est un truc de cueilleur soufflé dans ses mains. Le chasseur, lui, te partirait un feu de forêt. Il te prêterait pas sa petite veste de tapette. Oh que non! Il te fabriquerait un manteau sur le champ avec 72 écureuils tués à main nue. Le gars... Good one. C'est vrai, il est bon. Le gars qui te ramène le 2014 dans le front pour que tu payes ta moitié, c'est le même cueilleur de gars qui te laisse entrer les sacs d'épicerie toute seule. Le chasseur, lui, vient de faire ça en un seul voyage, même si ça implique de se casser une dent parce que les trois sacs dans sa bouche sont trop lourds. La nature humaine est comme ça. La nature. Retenez ça. Les femmes cherchent un pourvoyeur. Pas en salaire annuel, mais en comportement de mâle prédominant. Et payer le premier rendez-vous est un comportement de chasseur. Fait que la prochaine fois que tu calls une date à une fille, s'il vous plaît, paye, puis monte-y les pipes que t'as dans le cerveau. Tu ne veux pas d'une fille avec une moustache qui sac des bines plus meurtrières que les tiennes? Bon, ben nous, on veut pas d'un homme avec un panier rempli de baies sauvages. C'est donc ben bon, ça. J'aime bon, ça, moi. Elle m'a marié, très elle. Bon. Elle. Oui. J'aime ça, moi. OK, ben oui. Solide. D'abord, il y a de l'humour là-dedans. Là. Ben on oui. s'entend. Là. Hein? Pars-moi un feu de forêt. Les suis-moi écureuils. 72 écureuils puis fais-moi un manteau. Pète les dents avec passe-moi, ben oui, avec les sacs. Bon. Mais ce qu'a décrit là-dedans, en passant, le Doc Mayou l'a répété à plusieurs reprises, que l'homme est un pourvoyeur. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mais là, une fois que ça, c'est sur les médias sociaux, vous devez comprendre que là, il y a eu à peu près 275 commentaires là, sur le Facebook. Toutes quasiment négatif. Les femmes en revenaient pas, là. Ça a-tu du bon sens? Rétrograde, l'homme paye pour moi. Scandale, il me diminue, voyons donc. Je paye ma moitié. Puis même les gars aussi. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi un gars d'abord? Qu'est-ce qui... Le gars, là, il a un petit côté chevalier. Pourvoyeur, là. Hey, pendant, sur l'histoire de l'humanité, là, pendant à peu près 4000 ans, là, on vous a protégé. L'homme protégeait la femme, s'en occupait, allait chasser. Ça veut pas dire que la femme était inutile. La femme faisait plein de choses aussi, là. On est égal, mais on peut être différent. Et là, du jour au lendemain, tu peux même plus ouvrir la porte à une fille, quasiment être galant, là. C'est rendu que non, non, ça marche plus, ça. Ah non. Non, tous les petits comportements chevaleresques un peu, quand tu dis une fille, mettons, hey, donne-moi ton sac. Je suis capable? Tu me prends pour qui? Ben non, je veux juste amener tes sacs. Ah ouais. C'est à moi à faire ça, là. Voyons donc. C'est à moi à chauffer. La place de la femme, oh, le char. Non. Je veux bien que tu m'ouvres la porte et que tu portes mon sac, là, mais si c'est mon char, je vais chauffer, là. Wow. Ben non, j'ai de la mesure avec ça, moi. Je vais m'asseoir dans le siège à droite. J'ai. Puis, je le répète, mais ça, c'est poussé à l'extrême, mais on est au moins deux à la station à penser ça. Évidemment, je nommerai pas le nom de l'autre gars parce que... Ouais, c'est un fier participant à ta thèse. Oui, hein? Puis je veux... Bon, l'autre jour, hein, au souper, on l'a dit. Ah, garde ça. Mais non, mais moi, j'aurais de la misère à sortir avec une fille qui gagne plus cher que moi. Je le dis parce que mon côté pourvoyeur, justement, de mal un peu, serait affecté. Je me vois pas arriver chez nous, puis ma blonde dit, je t'ai acheté un cadeau, je t'invite au restaurant, moi te payer le prochain mais voyage. Ça, faut que t'évolues. C'est à moi à faire ça. Non. Ça, faut que t'évolues. Non. Ça, faut que t'évolues. Là, là-dessus, je suis pas d'accord. Là, le côté salaire des femmes, à un moment donné, faut que t'évolues. Puis côté de la fille, peut pas conduire, là... Qu'est-ce que ça change? On arrive en 2014, là, je peux te le dire. Mais, 2015, même, là. Non, mais 2015. C'est parce qu'en chauffant, il y a comme plus de risques, il y a une responsabilité, il y a un petit côté. Non, le problème, c'est que toi, tu fais pas confiance aux femmes au volant, là, puis c'est ton côté macho qui ressort. Fuck off, là, ton affaire de risque, là, c'est parce que t'aimes pas les femmes au volant. Non. Là, ça demande une certaine habileté physique. C'est comme aux Jeux Olympiques. Ça demande une certaine habileté physique. Il y a plus fait que là, Butch, on est qu'un power steering. Hey, OK. Et Yves, là, oubliez le char. Là. Le char, c'est le cheval d'aujourd'hui. Ah! Toi, si une fille, Yves, tu es sur une monture, un cheval. C'est toi qui es en avant, puis la fille en arrière, ou c'est toi qui es en arrière, puis c'est la fille qui prend les rênes du cheval. Mais voyons donc. C'est moi qui chauffe le cheval. La fille est en arrière de moi, c'est automatique. Mais... Si on monte sur un cheval, la fille s'en va en arrière. Le char, là, c'est mon cheval d'autrefois. La fille, il faut qu'elle s'assie à droite. Butch, les filles, là, ils montent plus un cheval de fille, les sept. Si ça n'existe plus. Mais tu sais, les femmes. Temps, ça monte la selle western. Ben oui, exact, la pente. Oublie ça, là. Hey, savez-vous pourquoi? Moi, vous en donner des exemples, des exemples de chevalerie là, qui s'opèrent, là. Vous savez, au mariage, là, la fille, là, elle est où? Quand tu te maries à l'église, elle est tout le temps à gauche, l'homme est à droite. Oui. Pourquoi? Pourquoi le gars donne son bras gauche à sa blonde, à sa mariée, quand il l'amène à l'hôtel? Vraiment, c'est beau, ça. C'est très poétique, là. Le gars donne toujours son bras gauche à sa femme, parce que son bras droit doit constamment être libre pour sortir son épée, pour protéger pour sa douce. C'est beau. Et voilà. Ouais. Bon! Ouais. Ça, c'est des affaires de gars mâles. Mais j'ai rien contre le fait que tu ouvres la porte puis que tu payes la première date. Là. Si t'invites une fille, j'espère que tu payes. Mais quand c'est que t'es rendu en couple, ça se peut aussi que ça soit un tour, une fois le tour de la fille, une fois le tour du gars. Ah, ouais. Là, arrive en 2015, c'est pas vrai là-dessus. Ouais. Là. Mais Andréane, ce que je veux dire aux gars là, aujourd'hui, là, c'est que l'important, c'est pas le texte, c'est la réaction. C'est qu'on peut plus être des gars en 2014 et la journée que les femmes vont gagner plus cher que nous, dans 10-15 ans, selon moi, la pyramide va être inversée. Les mâles, dans leur nature, vont mal se sentir. Il y en a qui... Ça fait trop longtemps, on a ça entre nous. L'exemple qu'elle donne... Chasseur-cueilleur, là, l'exemple est tellement bon. Sais-tu pourquoi, Andréane? Sais-tu pourquoi t'as pas le sens de l'orientation comme ben des filles? Excuse-moi, j'ai le sens de l'orientation, mais merci. Mais t'es l'exception, Andréane. La majorité, vous l'avez pas peur. Excuse-moi, là. Droite, gauche, Amel, S, Charest, Ouest, capitale. Toutes les fois que je me perds avec un GPS, c'est un gars qui est à sa main droite. Arrête, je peux t'expliquer pourquoi t'as pas le sens de l'orientation. En raison des 4000 ans qu'on a été chasseurs-cueilleurs, tu vas comprendre pourquoi au restaurant, je paye la facture aussi. Tout est relié. Qu'est-ce que... C'est d'un gène. Oui, écoute-moi, qu'est-ce que le chasseur faisait dans sa vie? Manger des bleuettes, le chasseur sortait de sa caverne puis allait chasser. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon chasseur? Le sens de l'orientation. Les hommes qui n'avaient pas un bon sens de l'orientation, ils sont morts. La sélection naturelle a fait en sorte que seuls les hommes qui ont un bon sens de l'orientation ont survécu. À l'opposé, les femmes restaient dans la caverne. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les femmes? Ils cueillaient. Qu'est-ce que ça demande, la cueillette? Là, vous allez comprendre pourquoi les filles, vous avez une palette de couleurs de 160, alors que les gars, on a blanc, rouge, bleu, jaune. Écoute bien. Qu'est-ce que c'est la sélection naturelle, encore une fois, qui fait qu'on est des chasseurs, donc on a un bon sens de l'orientation. La femme reste à la caverne et elle cueille des baies sauvages et des petits fruits. La femme qui est daltonienne, puis qui est comme les gars d'aujourd'hui, qui ne distinguent pas ses couleurs, elle crevait parce qu'elle s'empoisonnait avec des fruits poison. Butch, donc, veux-tu donc, visiter un autre site que celui de Darwin? Ben non, Darwin, c'est très fort. Donc, ça, écoutez ma théorie, là. Ça donne que les femmes, vous avez plein d'avantages. On est tous égaux. Vous êtes plus minutieuses. Vous êtes dans le détail. Vous êtes des cueilleuses. Vous reconnaissez les couleurs. Puis vous restez à la caverne. Mais vous n'avez pas de sens de l'orientation. Nous autres, qui étaient des chasseurs, donc plus forts, on protégeait la femme, etc. On allait chasser. Et ça, là, si on adopte des comportements contre nature, là, ça ira pas. Tu sais que des fois, là, quand il allait chasser le mammouth, il y en avait qui mouraient. Hein? Fait qu'il devait y avoir des femmes cueilleuses qui se retrouvaient sans chasseur puis qui devaient s'arranger tout seul. C'est ça que ça a donné l'évolution de la société. On a appris à s'arranger tout seul. Bon, moi, je pense qu'ils crevaient, ces femmes-là. La fille, quand la femme... On aime encore la galanterie. Bon, tu me rejoues un peu, pareil. Mais c'est ce que je te dis depuis tantôt, j'aime la galanterie, puis toutes les femmes vont dire que tu veux pouvoir te fier sur ton homme, comme un gars va vouloir se fier sur sa femme. On va aller voir Hugo déjà au téléphone. 670-933 670-9330 ou studio à commercial FM93.com. Salut Hugo! Salut Sylvain! Je t'écoute! Non, ben oui, je suis dans mon char, je suis mort de rire. Comment ça? Ben Sylvain, moi j'ai juste une question à te poser, le fun. Ouais. Baisse le son de ta radio. Hugo, écoute-moi un peu. Non, mais baisse le son! Il faut juste que tu baisses le son de ta radio. Excuse-moi. Toi, Sylvain, là, comment tu fais de temps que t'es avec ta blonde? Ben là, ça fait un an et demi, je suis seul, là. OK, mais ta plus grande relation, ça a été combien de temps? Ben, moi, 3 ans, mais elle, 2 ans et demi. Fait qu'on s'entend pas sur le dernier 6 mois. Mais je dis la vérité, moi. T'as qu'à avoir le double power. Tu vas être seul longtemps, mon grand. Tu penses que je suis arriéré, là, c'est ça? Ben là, tu sais, on vient de la même région. Moi, je suis un gars d'Alma, toi, t'es d'Héberville. Oui. Ben, donne-nous une chance à matin, gros, là, on passe des... Bravo, Hugo! Hey, Hugo, première date avec une fille au restaurant, tu refiles la facture. Mais voyons donc. Ben non, mais moi, c'est pas ça où j'ai accroché. C'est ton affaire de pas être capable de se s'échauffer par sa blonde. Le sens de l'orientation. Ouais, OK. Ben là, j'exagère un peu. Je caricature tout le temps. Tu sais comment est-ce qu'on est. C'est pour ça que je trouve ça drôle. Oui, c'est drôle. Mais t'es-tu d'accord avec moi que les comportements d'avant, envoyer des fleurs à une fille, ouvrir la porte, porter ses sacs, il y a certains types de femmes, pas tous, que ça les agace. Puis là, c'est comme si on les diminuait. Tu sais, à un moment donné, là, faut jouer notre rôle un peu. Ça fait 21 ans que je suis avec ma blonde. OK. Puis, je manque pas une fête, puis j'amène des fleurs, puis je fais mon bravo. Je suis pas l'homme rose, là. Ben, je suis un peu brun, là. Ouais, mais ça prend ça aussi. Non, faut pas que tu sois brun quand même. Je t'en reparlerai, OK? L'homme trop rose, c'est pas mieux. Mais je veux dire, oui, il y a des grosses chances que ma blonde soit plus chère que moi dans quelques années, là. Bon. Mais, tabarouette. Garde-la! Tant mieux. Mais t'as pas Hugo, ça m'intéresse ça. Mec, elle gagne plus cher que toi parce qu'on va tout le vivre, là, bientôt. La journée, là, que c'est elle qui va décider où tu pars en voyage parce que c'est son fric. Les rénovations dans la cuisine, c'est elle, c'est son fric. Les cadeaux, etc. Mettons, elle va te passer de l'argent. Peut-être bien qu'à la fin de toi, tu dis, tiens, Hugo, pour tes. C'est de la merde. Mais non, mais Sylvain, mais c'est parce que. Non, on voit que t'as pas été en couple ben longtemps, là. C'est pas le même savoir dans un couple, Sylvain, là. Tu mets tout en commun. Ouais, à la fin, oui. Au début. Les rénovations, c'est moi qui ai fait de toute façon, j'ai décidé de toute façon, ça n'a rien à voir avec le salaire. De toute façon! Salut! On va jaser avec Charline, 670-9330. OK, comme le texte que j'ai lu au départ, vous savez bien que je fais un peu de parodie, mais je vous jure que sur l'essentiel, puis l'autre jour, on l'a eu dans le souper d'équipe, là, j'étais pas tout seul en passant. Ouais, mais t'étais tout seul pour ce qui est de t'asseoir à droite dans le char, par exemple. Mais avoue qu'on avait un autre collègue. Oui. Qui pense la même affaire que moi, et je ne serais pas capable de sortir avec une fille, je me sentirais un peu atteint dans mon côté mâle, dominant un peu. On a ça en nous, c'est dans nos gènes. 3500 ans d'histoire à peu près, là. Mais pour vous deux, il y en avait 4 qui m'appuyaient, par exemple. Ah, ouais. Moi, je préférerais sortir avec une fille plus grande que moi. Tu sais, ça aussi, ça agace des gars un peu, là. Moi, la fille plus grande, je m'en sac. Parce que c'est juste physique. La grandeur, c'est une illusion. C'est juste, regarde, anyway, avec le talon haut, ils finissent tous par nous dépasser. Ça m'atteint pas pantoute, la grandeur. Mais le fait que c'est elle qui a le gros portefeuille, ça, j'aurais de la misère. Charline, bon matin. Oui, bon matin. Comment ça va, la gang? Très bien, je vous écoute. Ça fantastique. Ben moi, je trouve ça ultra savoureux ce que j'entends ce matin. Puis moi, je suis une vraie fille. Puis effectivement, je m'attends à être traitée par un gars comme un vrai gars devrait se comporter. Mais là où je veux amener un point de plus, c'est que peut-être ça vaudrait la peine, peut-être pas ce matin, peut-être un autre matin, mais moi, ce que ça m'amène à penser, c'est il y a vraiment une confusion hein, dans les rôles. Les gars savent plus trop comment se comporter. Ah, les filles savent plus trop comment se comporter. Puis je pense que le fait que les filles, on a une autonomie financière, on a des carrières, bon, tout ça, puis qu'à ce niveau-là, on peut être très, très, très, on peut avoir un côté mâle très développé, comme par exemple, je pense aux filles qui sont dans des postes de direction, qui sont amenées à avoir le côté yang bien développé. Ben quand on arrive dans la sphère relationnelle, ben les filles des fois ça pue non plus trop où est-ce qu'elles doivent laisser un peu de l'est et laisser le gars prendre en charge. Je pense que ce serait intéressant que vous repreniez ce thème-là à un moment donné. Ouais, et le développer un peu plus avec peut-être, parce que là, nous, on parle avec nos émotions, mais je sais qu'il y a des psys, il y a des gens comme Yvon Dallaire, il y en a plein qui sont spécialistes des relations de couple. On pourrait peut-être pousser ça un peu plus loin. Merci beaucoup, Charline. Je prends note de la suggestion. Comment en 2014, comment qu'on va se retrouver dans la, tu sais, pendant tellement d'années, les rôles ont été clairement définis. Là, écoutez bien, là, je vais être gentil. Je sais qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir redéfinir un peu les rôles du gars et de la fille, mais. Tu devrais dire comment pendant de nombreuses années, les rôles ont été définis par l'homme. Oui, bonne précision aussi. Par l'homme. Non, par la nature. Non, par l'homme. Non, il chauffera pas le char. Puis, tu voteras pas. Tu partiras pas. C'est pas la nature, là. Non. Pensez-vous que dans le temps des cavernes, les gars et les filles sont réunis, puis là, ils ont décidé ça. Les gars ont dit, en passant, c'est nous autres qui va chasser, vous allez cueillir, on passe au vote. C'est la nature qui nous a définis pourvoyeurs et chasseurs. Il y a eu un grand bout entre la caverne puis 2015. Oui, puis là, c'est l'homme qui décidait. Mais sur l'échelle de l'histoire, ce bout-là est très court. Et ça change pas notre nature. Julie, bon matin. Salut, Julie. Ben oui, voyons. Hello! Comment ça va? Sylvain. Oui. Je t'appelle parce que je veux savoir ça va être quand notre premier rendez-vous parce que je t'écoute depuis tantôt puis je pense tout à fait comme toi. Yes. Puis t'as dit en début d'intervention que tu voulais marier ou aller souper avec la fille qui va passer comme toi. Ben écoute, je te tu as la facture. Des ondes. Envoie-moi ton numéro, oublie pas une photo, puis c'est bien quand tu pas. Mais plus sérieusement là, souvent je discute, moi j'ai 42 ans, je discute avec des amis de filles, des amis de gars, puis moi souvent j'utilise l'expression on est des animaux, puis c'est comme si on s'éloigne de notre nature, mais tout ce que tu as décrit tantôt, c'est un peu vrai, tu sais, puis des fois on veut repousser ça, on sait pas d'où ça vient, qu'est-ce qui nous pousse à agir de telle façon, mais je pense vraiment que tous ces agissements-là sont innés, ça vient merci. De loin. Merci, Julie. Reste en dehors des ondes. Je prends ton numéro. Tu vois, je me suis même fait une date. Écoutez bien, là. Je vais vous dire pourquoi le côté pourvoyeur et l'argent, parce qu'il y a des gens qui vont penser que c'est matérialiste, c'est monétaire, mon affaire. Bullshit. Pendant des milliers d'années, savez-vous comment on protégeait nos femmes? Quand ils se faisaient attaquer, quand il y avait un ours, quand il y avait... C'était concret, là, le chevalier, l'exemple que je vous ai donné, qui dégaine son épée pour protéger sa douce. Donc, c'est par la force physique un peu que l'homme protégeait sa femme. La force physique n'a uniquement. Plus aucune valeur dans la société d'aujourd'hui. À part si vous êtes Hugo Girard, ça donne rien, là. Le reste, là... Qu'est-ce qui mène la société? Comment je peux gâter ma blonde? Comment je peux y signifier que je la protège, que je m'occupe d'elle? J'ai pas à aller me battre, là. J'ai plus besoin d'aller sur le champ de bataille comme dans les films, là. Comment je fais? J'y amène des cadeaux, je l'invite au restaurant, quoi, Butch? Je m'occupe d'elle. C'est pas... Donc, c'est un peu comme ça que je deviens chevalier pourvoyeur. Ouais. Si tu m'enlèves ça, puis la femme gagne plus cher que moi, tu me diminues. Okay. C'est comme s'il arrivait une bagarre, puis je me cachais en arrière de Mais ma Butch, blonde. Y a-tu quoi de plus honteux que ça? Y a-tu un gars qui oserait se cacher en arrière de sa blonde si un fight, jamais. C'est pas pour ce que tu fais qu'elle est avec toi, c'est pour ce que t'es. Et moi, je rajouterais à ça. Ben, c'est ça, il faut que je sois moi-même. Mais... Si tu perds contre l'ours, là, pis que ta belle, elle se retrouve toute seule, faut qu'elle se débrouille. C'est là que les femmes, on est après. Ah, c'est là que l'indépendance financière est importante. Andréane, je vais te rejoindre un peu. Quand je dis que je vais être pourvoyeur, je veux gagner plus que ma blonde, elle n'a pas besoin d'être BS, là. J'aime ça qu'elle ait une carrière, un métier, tout ça, mais faut que je gagne. Tu trouves pas que t'es exigeant un peu, là? Ben, c'est ça, je suis seul aussi. Alain, bon. Alain, salut, ben, ça va? Ouais, salut. Salut. Moi, j'ai rien que te dire, moi, gars. Moi, je travaille parti toute la semaine, puis dans mon truck toute la semaine, puis ça fait 30 ans que je chauffe les trucks. Puis quand arrive les fins de semaine, je peux te dire de quoi que c'est elle qui chauffe en esti. Wow! Ouais, mais là, c'est une exception, là. Ah, mais tu lui fais confiance? Tu te sens pas diminuer un peu, assis à droite? Non, c'est ça. Elle court très bien, j'ai pas peur avec, là. Même elle trouve qu'elle court trop vite. Puis, je veux dire de quoi, là, quand, voyons, ça commence à perdre la mémoire, là. Non, mais, hey, tu gagnes, tu pousses à quelle, Alain? Oui, mais bon. Si elle gagnerait plus qu'un comme moi, je pousse moins, j'aurais le temps de travailler. Bon, oh, tu vois? Non, mais non, tu serais pas bien, tu serais pas heureux là-dedans, Alain. Elle paierait mes voyages pis tout en plus. Non, non, mais je pense que tu serais pas heureux, tu te sentirais pas mal, je suis sûr, moi. Non, je suis pas inquiet, je serais très heureux d'aller te travailler. Voyons donc! À 30 ans, je suis 30. T'es rendu un féminisé, Alain, tu t'es fait avoir par la doctrine. Convaincu, moi. Alain, il aime ça qu'il ait des bleuets, lui. Non, non, mais lui qui chauffe à longueur de semaine, ça se peut qu'il ait le goût que sa femme chauffe un peu, là. Tu sais, mais regarde. Tu trouves pas que ça fait une couple d'exceptions qu'on rajoute sur ta liste, là? D'après moi, c'est toi l'exception. Je suis tellement grave. L'autre jour, là, on monte à Montréal, puis c'est le char d'une amie, OK? Fait que rapidement, évidemment, elle vient fatiguer un peu, je prends tout de suite le volant. Puis là, comment, c'est beau. Rapidement, évidemment, ben là, faut que je reprenne ma place. La route, c'est quoi, c'est et là, elle veut mettre le GPS. On s'est quasiment chicané. J'ai pas de GPS, moi qui chauffe. Je sais où aller, laisse-moi aller. Non, ça prend le GPS. Non, tu vas te tromper encore. Là, hey, on s'est chicané. T'es-tu trompé? Parce que pour moi, avoir le GPS, c'est comme si je faisais pas ma job. Là. C'est ma job, c'est de la conduire. Pantoute, je connais ça Montréal. En rentrant par la 40, la 25, là, pas ça. Ben, je te jure qu'on descendra pas à Montréal ensemble parce que je vais chauffer son propre Non, char. C'est moi qui chauffe puis je veux même pas de GPS. Je trouve que c'est GPS, c'est pour les filles. Un gars, ça sait sa route. Parce que t'es pas capable de le pitonner, monsieur. Un techno, gars, ça sait faire. Sa route. D'ailleurs, avant qu'il y ait les GPS, c'était quoi la chicane? Hein? Tu sais, quand on était un peu mêlé, la fille t'a dit. Non, laisse-moi aller avec hey, ça. Là. Hey, on va arrêter à la station. Sors la carte. On sort la carte, on va demander notre chemin. Laisse-moi. Moi, je vais me débrouiller, moi. Pas capable de lire c'est une carte. C'est la voix de femme, c'est le GPS qui t'énerve. Hein? Exact. Je vais terminer avec. Il me reste un peu de temps avec Annie. Salut, Annie. Bonjour, comment ça va? Très bien, toi. Ça va très bien, merci. Je t'entends pas, par exemple. Tu m'entends pas? Et alors, de vas-y. Trois choses l'une. Okay. Pour s'asseoir dans la voiture, faut savoir que quand on part pour aller souper ou pour aller quelque part, moi, je suis toujours assis à droite. Bon, très bien. D'instinct. Quand on revient, toujours assis à gauche. D'instinct! J'essaie de vous faire deviner pourquoi. Ben, ça, j'accepte ça. Ah. On parle d'un accommodement raisonnable. Là, le gars, il a bu un peu. Toi, tu chauffes. Faut qu'elle serve à quelque chose. Ben là, mais là, ça, c'est très serviable. T'es parfaite, Annie. Une autre chose. Oui. Moi, ça fait 23 ans, je suis avec mon conjoint. Ça fait 17 ans qu'on est mariés. Quand on s'est mariés, les cours de préparation au mariage étaient obligatoires. Évidemment, donnés par des curés, eux, qui ont beaucoup d'expérience. Dans le mariage, ben oui. Ben oui. Il fallait à un moment donné, là, les gars avec les gars, les filles avec les filles, et il fallait dire notre plus grande, il fallait écrire, en fait, notre plus grande peur du mariage. Et mon mari avait écrit que sa plus grande peur, c'était de ne pas être capable de subvenir aux besoins de sa famille. Et voilà. Mais, moi, la plus grande peur que j'avais, c'était de ne pas être capable de lui donner une famille. Moi, je suis d'accord avec ça. Donc, on va vraiment, là, dans la ressource, là, le cueilleur puis le pourvoyeur. Exact. Quand on s'est marié, je gagnais beaucoup moins cher que lui. Vraiment beaucoup moins cher que lui. C'était lui qui était le pourvoyeur. Maintenant, 17 années plus tard, c'est moi qui gagne un peu plus que lui. Pas énormément, mais je gagne un peu plus que lui. Par contre, quand vient le temps de payer quelque chose d'important... Ben, c'est toujours lui qui a pris la peine de faire la réserve. OK. Moi, ce que je gagne de plus, je le dépense de plus. Voilà. Hey, merci, Annie. Les merci souliers. Beaucoup. Merci d'avoir appelé. C'est très important. Il y a des c'est très important. Les souliers. Bon, mais en passant, là, quand je, mettons que je gagne 50 000, ma blonde en gagne 55 ou 60, j'en ai pas de problème. Là. Vous avez compris que c'est si je gagne 50, ma blonde est à 150, je suis incapable. Oublie ça, il n'y a pas de fun là dans ce couple-là, mais pas pantoute. Mais moi, je me sens pas. Mais, moi, mais je bon. Me sens pas mal par une position prédisposée. Là. Je me sens pas mal parce que c'est moi qui prends la marche dans telle et telle affaire. Mais tu te sens parce mal que c'est quand? Moi qui chauffe. Tu te sens mal quand? Dans moi, je suis convaincu mais de ça. Dans toi, il veut dire, il y a des comportements à l'extérieur de toi dans si... ta nature qui démontrent que t'es un mâle. C'est pas juste un état d'esprit dans ta tête. Ah, mais ça viendra au moment où, s'il y a 150 livres à tasser puis que je suis avec Andréanne, c'est évident que je vais me proposer de le faire, mais pas pour y montrer qu'elle ne peut pas le faire. 8h28. Chauffe donc, Andréanne. Heureusement qu'on a plus de temps. Parce que j'aurais pu enchaîner avec mon autre théorie, mais ça, c'est mieux en dehors des ondes. Mais on va reprendre ça. J'en ai ça. Un autre. Le fait que la femme commence à être de plus en plus dominante dans la société, à l'inverse, donc contre nature de ce qui se passe depuis des années. Contre nature! Le fait que vous êtes dominante dans la société d'aujourd'hui, à quel point ça a changé votre comportement sexuel également? Mais ça, on manque de temps pour en parler, mais la prochaine chronique,